Pourquoi ne veut-on pas tout savoir? Le savoir n'est pas seulement, comme le terme semble le désigner, une connaissance objective construite pour elle-même dans la vie humaine, dans la vie des humains qui, certes, auraient besoin pour vivre de connaître le monde et aussi auraient les capacités de connaître pour lui le monde, d'accéder à la science, de connaître le monde pour lui-même et d'accéder à la vérité. Le savoir est aussi, chez les humains, l'objet d'un désir fondamental et paradoxal. À l'origine du savoir, il y a un désir humain très profond et très simple, celui que l'on appelle dans la vie ordinaire la curiosité, le désir de savoir qui s'insinue partout, de connaître le monde, mais aussi de regarder par le trou de la serrure ces petites curiosités, parfois étranges, qui animent notre vie comme ces grandes curiosités ambitieuses qui sont au fondement de la science humaine, de la découverte, de l'exploration, de l'encyclopédie. La curiosité, c'est le premier mot de la métaphysique d'Aristote. Ce désir qui fait du savoir une finalité de la vie humaine, l'objet d'une recherche, l'objet d'une quête. Les hommes, les humains, désirent savoir. C'est la première phrase de la métaphysique d'Aristote, comme d'ailleurs à la première phrase de sa poétique sur l'art, sur le théâtre, il y a « les hommes aiment l'imitation ». Chez Aristote, toute pratique humaine est l'objet d'un désir, d'une nature, d'une finalité qui nous apprend ce que nous sommes véritablement. Et de même, la dernière phrase de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant renvoie à ce fait que les hommes désirent savoir, à cette curiosité profonde qui signale chez les humains, dit Kant, une destination métaphysique. Les humains veulent savoir, ils veulent tout savoir, ils ne veulent rien ignorer. Mais ce savoir théorique est encore un peu théorique. Est-il si neutre que cela? Des philosophes comme Nietzsche ont soupçonné derrière ce désir de connaître une volonté beaucoup plus vitale, beaucoup plus orientée, beaucoup plus pratique, une volonté de pouvoir. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Ce qui peut en tout cas compléter cette analyse du désir de savoir, c'est paradoxalement ses limites, non pas seulement objectives, car on ne peut pas tout connaître, mais ses limites subjectives, car peut-être ne veut-on pas tout connaître. Il y a aussi des choses que l'on désire ignorer, des choses que l'on ne veut pas savoir, comme lorsque quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « je ne veux pas le savoir », quand il refoule la connaissance que pourtant quelqu'un d'autre lui met sous les yeux, peut-être parce qu'elle est désagréable, je ne veux pas en connaître. Il y a des choses que nous refoulons, la psychanalyse nous l'a montré, peut-être que nous ne voulons pas savoir que nous sommes mortels, que nous avons en nous du négatif, que nous pouvons être méchants, il faut pourtant le savoir pour ne pas l'être, que nous sommes animés par des forces, y compris positives, mais qui nous font peur, par exemple le désir lui-même et la sexualité. Nous ne désirons pas tout savoir et peut-être parce que nous ne voulons pas tout savoir de notre désir, de tous nos désirs. Et pourtant, il faut non seulement désirer savoir, mais connaître tous nos désirs pour précisément résister au négatif et faire servir le savoir à ce que l'on doit non seulement savoir, mais à ce que l'on doit vouloir, à ce que l'on doit désirer pour vivre heureux.